Aujourd'hui dans Affaire sensible, le détournement de l'Aquilé Lahoro. Le 8 octobre 1985, les journaux titrent sur une information stupéfiante. Un commando palestinien pirate un paquebot italien. 450 otages se retrouvent pris dans la tempête du Moyen-Orient. C'est le détournement le plus important de l'histoire par le nombre de personnes retenues. Tout commence donc ce 8 octobre au soir au large des côtes égyptiennes. Un commando se réclamant d'une organisation palestinienne, le FLP, le Front de Libération de la Palestine, s'empare de l'Aquilé Lahoro, un paquebot italien parti pour une croisière d'un mois en Méditerranée et qui, soit dit au passage, porte le nom d'un homme politique napolitain des années 50. Les pirates réclament la libération de 50 de leurs combattants ou militants emprisonnés en Israël. Refus de Tel Aviv. Le navire reprend son errance. Aucun pays ne veut le recevoir. Ce détournement, c'est le point d'orgue d'un Moyen-Orient qui depuis quelque temps surprend par sa violence. Au milieu de ces tourmentes, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui a condamné cette opération, apparaît désemparée. Pour les 450 passagers restés à bord et croisant entre Tartous en Syrie et Larnaca à Chypre, cela ressemble de plus en plus à la croisière de la terreur. Les tractations diplomatiques entre les États-Unis, l'Italie d'un côté, l'Égypte et les Palestiniens de l'autre commencent. Mais en parallèle, chacun avance ses pions. Les Américains dépêchent leur navire amiral, l'USS Coronado, sur zone. Les Italiens envoient des hélicoptères à Chypre pour une éventuelle intervention. Quant aux Égyptiens, ils suivent le paquebot à la trace grâce à leurs vedettes et sont en lien direct avec Tunis et l'OLP. Ce jour-là, le monde semble revenir aux heures noires du terrorisme et des prises d'otages meurtrières qui ont semé l'angoisse et la mort ces dernières décennies. Pour en parler avec nous, après le récit, nous avons invité Bertrand Ravenel, l'historien fondateur de la revue Confluence Méditerranée, dans laquelle il a écrit de nombreux articles, en particulier sur le conflit israélo-palestinien. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production, Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, voix des passagères de l'Aquilé Lahoro, Delphine Valeille, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot, Arnaud Coy. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. D'abord, le contexte politique et géopolitique du Moyen-Orient au moment où se déroule cette prise d'otage sur l'Aquilé Lahoro. Dans les années 70, le conflit armé fait rage entre Israël et les Palestiniens de Yasser Arafat, leader de l'OLP, et de George Habash, leader du FPLP, les deux principales organisations palestiniennes. Les deux chefs sont en concurrence et chacun revendique ses propres luttes et attentats contre Israël, mais aussi contre les intérêts occidentaux. C'est l'époque de l'exportation du conflit israélo-palestinien. Le 5 septembre 1972, à Munich, au cours des Jeux Olympiques, des terroristes palestiniens du groupe Septembre Noir pénètrent dans le village olympique et prennent d'assaut le bâtiment des athlètes israéliens. Ils en tuent deux et prennent en otage 9 autres sportifs. L'épisode se terminera dans le sang après une tentative d'assaut des policiers allemands. Le Front de Libération de la Palestine, lui, se rend célèbre en appliquant sa stratégie de détournement d'avions. Le premier, revendiqué par le FPLP, a lieu en juillet 1968 contre un avion de la compagnie israélienne El Al. En janvier 1975, le terroriste Carlos, pour le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, tente d'abattre un avion de la même compagnie. En mai 1978, une tentative de détournement d'avion de la compagnie israélienne à Orly, revendiquée toujours par le FPLP, fait 4 morts devant le comptoir d'El Al. En octobre 1980, les services secrets français accusent le FPLP de George Habash d'être impliqué dans la réalisation de l'attentat à la synagogue de la rue Copernic qui fait 4 morts et des dizaines de blessés à Paris. Puis à la fin des années 80, c'est l'arrivée de nouveaux concurrents sur la scène politique palestinienne. La popularité croissante des courants islamistes et en particulier du Hamas pousse l'OLP et le FPLP à atténuer leur rivalité. La religion est devenue une arme et l'Organisation de Libération de la Palestine veut garder la tête de la révolte. En décembre 1987, à Gaza, un partisan de Yasser Arafat revendique la nouvelle forme de lutte contre les Israéliens, l'intifada ou la guerre des pierres. Cela fait 21 ans que nous souffrons de l'occupation israélienne. Il faut que le monde sache que l'OLP est la seule organisation représentant le peuple palestinien et que notre combat continuera jusqu'à ce qu'Israël accepte la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. 7 mars 1985, dans la gare maritime de Gênes, 755 passagers embarquent à bord de l'Aquile Lauro pour un périple qui doit les promener autour de la Méditerranée et les ramener au port de départ via Naples, Alexandrie, Port Saïd, Ashdod en Israël, Rhodes, le Pirée, Capri. Le groupe de terroristes palestiniens a choisi cette croisière pour cible en raison des facilités qu'offre le port où les formalités de départ sont très vite expédiées. Les douaniers font avancer les passagers rapidement, sans réellement regarder et surveiller les passeports, ni les bagages. Pas de fouille au corps, pas de détecteur de métaux. Une autre époque. Dans ces conditions, les quatre terroristes qui se présentent au guichet de contrôle n'ont pas grand-chose à craindre. D'ailleurs, personne ne s'étonne de leur âge et de leur apparence. Ils ont entre 22 et 19 ans, un âge qui tranche pourtant dans cette foule du troisième âge. Personne ne s'intéresse non plus à leurs valises. Le monde est pourtant déjà entré dans l'ère du terrorisme. En 1983, deux attentats à la bombe ont ensanglanté Beyrouth. Le 18 avril, 63 morts à l'ambassade américaine. Le 23 octobre, deux attentats suicides tuent 241 soldats américains et 58 para-français. Le 14 juin 1985, le vol Rome-Athènes de la TWA est détourné sur Beyrouth et un passager américain est exécuté. Le commandement de l'Aquile Lauro, Gennaro De Rosa, met le cap plein sud, destination Naples. Mais depuis quelques jours, il est tracassé car il a reçu avant le départ un curieux bijou d'un expéditeur anonyme représentant deux oiseaux l'un sur l'autre, avec un message en arabe mais écrit en caractère latin, Hidar alek salam, ce qui semble dire qu'un certain Hidar lui souhaite d'aller en paix. Mais le commandant y voit un sous-entendu. Une menace pèserait-elle sur lui ? Le commandant, comme tout marin, est superstitieux. Il connaît l'histoire de son bateau. Elle n'est pas de tout repos. Lancé en 1939 sur les chantiers navals des Pays-Bas, le navire est un survivant. Il a échappé aux Allemands qui ont voulu le transformer en bateau de guerre, puis ont tenté de le dynamiter dans le port de Rotterdam. Les bombes anglaises, elles, l'ont raté de peu. En 1981, le feu a pris au bar et trois passagers sont morts, brûlés vifs. Enfin, il a échappé à une collision et a failli couler. Ça fait beaucoup, tout de même, pour un bateau. Mais comme tous les marins, le commandant s'en remet au destin et à Dieu. Ainsi tout va bien, jusqu'à Alexandrie, le voyage se déroule comme sur le programme, bain de soleil, dîner, concert, spectacle et danse. Les quatre terroristes participent-ils aux activités ? C'est peu probable, en tout cas, aucun témoignage ne l'indique. Les quatre hommes ne quittent que rarement leur cabine sans hublot, l'une des moins chères du paquebot. Lorsqu'ils se hasardent dans la salle à manger, ils ne se séparent pas de leur attaché caisse et gardent un visage fermé. C'est ce dont certains passagers et membres d'équipage témoigneront à la fin du cauchemar. La plus grande partie des passagers quittent l'Aquile Lauro à Alexandrie pour partir visiter les pyramides et le Caire. Le bateau doit les reprendre à Port Saïd, le port de l'autre côté de l'embouchure du Nil. Les autres touristes, les plus âgés et les plus fatigués, reste à bord. Ils sont 201. L'Aquile Lauro reprend la mer. Un paquebot italien avec près de 500 personnes à son bord, pris en otage en Méditerranée par un commando palestinien. Ce bâtiment de plus de 23 000 tonnes, l'Aquile Lauro, parti jeudi de Gênes, a été piraté après une escale à Alexandrie en Égypte. Les terroristes se réclament d'un groupe inconnu, le Front de Libération Palestinienne. Ils sont dirigés par un homme qui se fait appeler Omar. Ils menacent de faire sauter le navire si quiconque s'en approche et réclament la libération de 50 Palestiniens. 50 Palestiniens qui seraient détenus à la prison de Naharia en Israël. À partir de ce moment, il est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Les témoignages sont parfois contradictoires et les mémoires sous l'emprise de la peur flanchent. Ce dont on est sûr, c'est que le commando avait pour instruction de se tenir tranquille jusqu'à l'arrivée à Ashdod, en Israël, où il devait détruire, par surprise, le commandement de la base navale située à 200 mètres du point d'accostage du paquebot. Mais les Palestiniens ont été forcés de passer à l'action prématurément après avoir été surpris par un membre de l'équipage en train de nettoyer leurs armes dans leur cabine. Écoutons un passager français descendu à Alexandrie juste avant le détournement et une radio amateur espagnole qui a capté des échanges entre l'Aquila Lahoro et un autre bateau. Nous avons à plusieurs passagers, remarqué des choses bizarres. À savoir que, à partir de Gênes, deux passagers sont montés à bord qui ne semblaient pas du tout participer à la croisière. Une nationalité assez méridionale. Et ils se disaient ressortissants argentins. Or, ce qui était curieux, c'est qu'ils ne parlaient pas l'espagnol. Une radio de San Sébastien en Espagne, Onda Pesquera, a réussi à capter ce matin une conversation entre le capitaine de l'Aquila Lahoro, le commandant Gerardo Di Rosa, et un bateau non identifié qui se trouvait à proximité du paquebot italien. Dans un anglais parfait, le capitaine du bateau italien communiquait à un bateau de guerre qu'aucun bateau de guerre d'aucune nationalité s'approche du bateau ni qu'ils le suivent sur la route qu'ils suivent entre Alexandrie et Beyrouth. Et qu'il était aux ordres du commando palestinien. 4 heures après le départ d'Alexandrie, les passagers entendent des détonations. Pour certains, c'est un terroriste qui intime l'ordre par le haut-parleur du bord de se rassembler dans la salle à manger. Pour d'autres, c'est le commandant qui lance l'appel. La confusion règne. Une passagère italienne donne son témoignage. C'était comme au cinéma. Pour nous faire peur, les terroristes tiraient dans les cloisons. Ils dégoupillaient et regoupillaient leurs grenades. J'étais au milieu d'un groupe d'Américains du New Jersey. Ils nous ont obligés à nous coucher par terre, entre des jerrycans d'essence. Chacun de nous devait se lever, dire sa nationalité et sa profession. Ils cherchaient surtout les Juifs et les Américains. Tout ça avec en bruit de fond les aspirateurs qui continuaient à ronfler, parce que les femmes de chambre, surprises en plein ménage, n'avaient pas eu l'autorisation de les éteindre. J'étais en maillot de bain, enveloppée dans ma serviette et j'avais froid. J'ai demandé l'autorisation d'aller dans ma cabine pour m'habiller. 1 minute, pas plus, m'a dit un des Palestiniens, ou je te tue. Alors j'ai couru comme une folle jusqu'à ma cabine, j'avais très peur. Pour le restant de mes jours, j'aurais peur d'être tuée si je suis en retard. Lorsqu'elle revient dans le salon, les terroristes ont choisi leur victime, un Américain, un juif et handicapé, c'est Léon Klinghoffer. Il force un jeune garçon de cabine, Joachim de Souza, à leur donner un coup de main pour transporter le vieil homme sur le pont dans son fauteuil roulant. L'un des pirates revient un peu après, il a les vêtements éclaboussés de sang, difficile de ne pas penser au pire. Les otages sont persuadés qu'ils vont tous y passer, c'est l'épouvante parmi les passagers. Il semble maintenant qu'un des passagers ait été tué par le commando de Palestiniens. Il s'agirait d'un touriste américain âgé de 69 ans, Léon Klinghoffer. Ce passager a en effet disparu et le commandant du navire pense qu'il a peut-être été jeté en mer au large des côtes syriennes. Il faut tout de même donner cette information au conditionnel. On peut toujours espérer qu'il y ait eu une erreur et qu'on retrouvera peut-être M. Klinghoffer une fois que tous les passagers dispersés ces derniers jours aient été comptés et recomptés. Une passagère autrichienne prise en otage a tenu pendant toute la durée du détournement un journal de bord dont elle a lu quelques extraits à l'AFP lors de sa libération. À 10h, 11 Américains sont emmenés sur le pont. On entend 2 rafales consécutives. À 11h, c'est le tour de 6 Britanniques, à nouveau des coups de feu. Une demi-heure plus tard, 2 Autrichiens partent également. Nous entendons encore des tirs, nous les croyons tous morts. À 15h30, les pirates emportent l'homme à la chaise roulante dans la direction du pont promenade. Depuis 10 heures, ils l'avaient séparé de nous et nous interdisaient de lui parler. Et puis, nous n'entendons plus rien. Le silence. À 16h, tous reviennent, sauf lui. Nous comprenons qu'il cherche à nous faire peur. Que sait-on ? Les politiques et les journalistes n'ont que des informations partielles relayées par des messages radio et quelques bribes de renseignements. Mais les terroristes, eux aussi, sont pris au piège. Des pays susceptibles de les accueillir se défilent les uns après les autres, Libye, Liban, Chypre. C'est pour faire pression sur les autorités syriennes que le commando aurait assassiné Léon Klinghoffer. Mais Damas ne veut rien savoir. L'Aquila Lahoro rebrousse chemin, quitte les côtes syriennes et se dirige à nouveau vers Port Saïd. Il semblerait que l'heure soit aux négociations. Le pétrole infestait la mer. les vagues claquaient sur les rochers, les volets claquaient sur la pierre, les robinets flics floquaient. Tu disais quoi? Tu disais rien. Tu attendais que ça se passe. Tu disais, j'ai peur de rien. C'est infernal, cette affaire. Et à l'instant même, du nouveau, à Beyrouth, Alain Ménard nous appelle. Je crois, Alain, que le bateau qui se trouve pour l'instant devant les côtes syriennes pourrait faire en quelque sorte machine arrière et retourner vers l'Égypte. Effectivement, il pourrait retourner. Il y a eu un coup de téléphone dans une agence de presse ici. Et dans cette communication téléphonique, le commandement du Front de Libération de la Palestine affirme qu'il a donné l'ordre au commandant qui a détourné le paquebot de se diriger vers Port Saïd. Lors de cette communication téléphonique, l'interlocuteur a précisé que l'opération de l'unité Maharia, Maharia est le nom d'une prison au nord d'Israël où se trouvent internés des détenus palestiniens. L'unité Maharia, donc, qui se trouve à bord du paquebot, ne vise en aucune manière à porter atteinte à la vie des passagers, des membres d'équipage et de tout autre civil, ce qui semblerait donc démentir l'assassinat de deux Américains. Pour des raisons que nous rendrons publiques ultérieurement, a dit cet interlocuteur anonyme, nos camarades ont été contraints de prendre le contrôle du paquebot, s'éloignant ainsi des objectifs qui leur avaient été assignés. Quiconque tenterait de s'attaquer à nos camarades ou au paquebot mettrait en danger la vie de tous, a conclu ce communiqué, qui précise par ailleurs que l'appel lancé aux commandos à bord soulignait la nécessité de bien traiter les passagers et les membres d'équipage. Ce sont les dernières nouvelles que nous avons ici à Beyrouth. Un nouvel acteur entre en scène, Abou Abbas. Il apparaît enfin au grand jour et va entrer dans le jeu des négociations avec le gouvernement égyptien et l'OLP de Yasser Arafat. Bon, après tout, les pirates se revendiquent de la cause palestinienne. Ne pas participer aux négociations ne pourrait que desservir l'OLP. Abou Abbas est né en 1948 près de Haïfa. Il a quitté sa famille et la Palestine. Il a quitté la Palestine avec sa famille lors du grand exode de 48. Jeune, il s'engage pour la cause palestinienne, entre dans le terrorisme ou la résistance. Tout dépend où l'on se place. C'est un combattant intelligent et ambitieux. Il est vite admis dans le premier cercle qui entoure Arafat. En 1977, il trahit le leader dont il a gagné la confiance. Il se sépare de l'OLP et fonde à Beyrouth le Front de Libération de la Palestine, le FLP, une organisation de francs-tireurs qui harcèle les unités de Tsahal. Il monte des coups de plus en plus médiatisés. Déçu par ses hommes et le déroulement du piratage, Abou Abbas est venu chercher à Port Saïd une issue honorable pour son organisation. Écoutons Michael Goudou, un radio-amateur israélien très bien renseigné sur les négociations en cours entre les différentes parties. À 20 000 au nord de Port Saïd, ils sont là et ils sont en radio-contact avec les autorités égyptiennes. Ils ont demandé de parler avec les ambassadeurs des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Allemagne au Caire. Les ambassadeurs sont en route pour Port Saïd pour parler avec eux. Et les Égyptiens ont demandé le bateau qu'il n'entrera pas dans les eaux territoriaux. Les Égyptiens exigent que les ravisseurs relâchent une partie, 20 ou 21 de leurs otages. Les terroristes ont dit qu'ils exploseront le bateau si quelques bateaux approchent sans permission. L'idée d'Abou Abbas est simple. L'Égypte l'arrête, lui et son commando, puis les laisse filer vers Tunis, où Yasser Arafat, avec qui il espère se réconcilier, pourrait se montrer magnanime. mais on cherche toujours les corps, car pour l'instant, on ne sait pas ce qu'est devenu le passager Léon Klinoff. Le corps rejeté à la mer sur la plage syrienne de Tartu, c'était bien celui de l'un des otages du paquebot Achille Lauro, le touriste américain Léon Klinghoffer, un homme de 69 ans à demi paralysé et qui ne quittait pas son fauteuil roulant. Après avoir été formellement identifié à Damas par un médecin syrien et par un policier du FBI, le cadavre de Léon Klinghoffer a été transporté par avion à Rome, où il va être autopsié par trois médecins légistes italiens. Le corps porte la trace de deux blessures par arme à feu, ce qui semble confirmer les témoignages de plusieurs passagers du paquebot. Léon Klinghoffer a été tué par le commando palestinien, d'une balle dans la nuque et d'une autre dans le dos, avant d'être jeté à la mer avec son fauteuil roulant. Et les négociations se poursuivent. L'Aquile Lauro accoste donc à Port Saïd sous les acclamations des dockers. Les terroristes d'hier deviennent des résistants pour les Égyptiens. Mais une partie serrée s'engage. Pour Yasser Arafat d'abord, le leader de l'OLP, qui a immédiatement condamné ce détournement, revendiqué, il est vrai, par une faction dissidente. Ces terroristes qui échappent à son contrôle remettent en cause son autorité. Arafat et avec lui tout le mouvement palestinien se désolidarise. Je ne sais pas de qui il s'agit. Ils sont sûrement contre les Palestiniens. Ils sont contre ce pays amical qu'est l'Italie. C'est pour cela qu'en ce moment, nous mettons tout notre poids dans la balance pour aider à trouver une solution. À votre avis, dans la mesure où vous êtes concerné, en quoi consiste la solution ? Relâcher directement ce bateau italien. Et en même temps, parce que nous sommes victimes de ce terrorisme, nous sommes contre toutes sortes de terrorisme. Parce que cette spirale de la violence dans cette zone conduira à un désastre. L'ambassadeur des États-Unis au Caire, Nicholas Veliot, est contre la libération du commando. Il faut dire que son patron, le président Reagan, est catégorique. On ne traite pas avec les terroristes, on les juge. Mais l'ambassadeur d'Italie a son mot à dire. Après tout, le bateau est italien, la majorité des passagers aussi, et le port d'attache est italien. Il exige que les terroristes soient extradés en Italie pour y être jugés. Mais cette décision est-elle vraiment ce que veut le premier ministre italien, Benito Craxi ? La politique pro-arabe de l'Italie et la peur des attentats sur son sol pourraient remettre en cause cette détermination. Quant à Hosni Moubarak, on lui joue la montre. Au centre de la toile diplomatique et des bras de fer successifs, Abu Abbas, lui, l'infréquentable terroriste, se frotte aux grandes de ce monde. Il recueille des secrets qui le rendront difficile à amener devant un tribunal. Soudain, Hosni Moubarak, le président égyptien, tente de se débarrasser de ce problème en douce. Coincé entre son alliance avec les Américains et sa fidélité aux Palestiniens, il met Abu Abbas et ses quatre pirates dans un Boeing 737 qui décolle de la base d'El Mazza, à côté du Caire, en direction de Tunis. Dès que les Américains l'apprennent, ils engagent des discussions tendues avec les Égyptiens et les Italiens. Ronald Reagan donne l'ordre à l'armée d'intercepter le Boeing d'Égyptair, où les terroristes et leurs chefs ont pris place. Alors des chasseurs s'envolent, aussitôt, du porte-avions Saratoga, et prennent en chasse l'appareil égyptien. En quelques minutes, ils l'obligent à se poser sur l'aéroport militaire de Sigonella, en Sicile. France Inter. Sur ordre du président Reagan, des avions américains F-14 ont obligé le Boeing égyptien à dévier sa route au cours de la nuit. L'appareil d'Egypt Air se trouve toujours sur la base de l'OTAN, avec à son bord deux responsables palestiniens qui accompagnaient les quatre pirates. Abu Abbas s'évadera de sa prison italienne avant de retrouver l'Irak via la Yougoslavie. Mais l'Amérique a montré sa détermination. Elle n'a pas supporté ce que les enquêteurs ont appris lorsqu'ils sont montés à bord de l'Aquile Lauro et qu'ils ont procédé aux interrogatoires. Ils ont cherché Léon Klinoff en espérant encore le trouver vivant. Mais le vieillard handicapé a été froidement abattu de deux balles dans la tête et dans le ventre et deux otages ont été contraints de le jeter par-dessus bord avec son fauteuil roulant. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire de l'Aquile Lauro. Nous retrouverons dans quelques minutes notre invité Bernard Ravenel, historien, auteur de nombreux articles, en particulier sur le conflit israélo-palestinien. Le procès s'ouvre devant le tribunal de Gênes en ce mois de juin 1986. 16 hommes sont poursuivis par la justice italienne, mais seulement 6 d'entre eux sont devant les juges. Les 9 autres sont en fuite, dont le plus connu à Boabas, qui est, croit-on, réfugié au Yémen. Les autorités italiennes lui ont permis de quitter l'Italie, où il a été conduit contre son gré, à bord du Boeing égyptien détourné par des chasseurs américains. Le refus opposé par Rome à Washington pour toute extradition ou mise en accusation d'Abu Abbas avait provoqué une vive tension entre les deux capitales, les Américains considérant Abbas comme le cerveau du détournement et donc le responsable du meurtre de l'otage américain. Dans le box des accusés de la cour d'assises de Gênes, transformée en forteresse, il n'y aura tout à l'heure que 4 des pirates de l'Aquile et Lahoro, dont Majid El Molik, le chef du commando, l'assassin du passager américain hémiplégique Léon Klinghoffer, plus 2 autres Palestiniens, le convoyeur des mitraillettes arrêté à Gênes avant le départ du paquebot et l'informateur à Rome du groupe. 6 accusés donc, mais un grand absent, Abou Labbas, le chef du Front de libération de la Palestine, qui durant tout le détournement joue habilement le négociateur, l'intermédiaire entre le gouvernement égyptien et les terroristes, mais qui pour la justice italienne est en réalité l'homme qui a planifié et fait exécuter cette action spectaculaire. Au cours des interrogatoires parfois surréalistes, Majid al-Molik, le chef du commando palestinien qui avait pris le contrôle de l'Aquile et Lahoro, répond au président de la cour d'assises qui l'interroge sur le meurtre de l'otage américain. Oh, ce monsieur Léon Klinghoffer, il n'était même pas à bord, ni moi ni mes amis ne l'avons vu, c'est une affaire montée par l'Amérique. En ce mois de juillet 1986, c'est un verdict très diplomatique que rend la cour d'assises de Gênes. En prononçant 3 condamnations à perpétuité par contumace et 3 peines d'emprisonnement de 15 à 30 ans, elle ménage à la fois Washington et l'OLP. En fin de compte, ce qu'on retiendra le plus de ce procès de l'Aquile et Lahoro, agité du début jusqu'à la fin, ce n'est pas tant le verdict ni la personnalité des accusés, un commando terroriste palestinien classique, hyper convaincu du bien fondé de son combat et de sa cause, mais plutôt le comportement tragicomique des jurés génois. Cette peur des jurés devait se manifester encore une fois au soir du réquisitoire, lorsque, unanimes, ils exigèrent et obtinrent un endroit secret fortement protégé par les forces de sécurité pour délibérer. En fin de compte, les menaces d'attentats contre eux, contre le tribunal, contre la ville de Gênes, agitées en permanence depuis les bases terroristes du Moyen-Orient, semblent avoir été bien comprises, puisque seuls les absents dans le box des accusés ont été lourdement condamnés. Léon Klinghoffer devient alors héros et martyr de cette terrible histoire. En 1990, d'ailleurs, Broadway lui consacre un opéra mis en scène par Peter Sellers, s'intitulé La mort de Klinghoffer. Et Hollywood lui consacre un film, Aquile et Lahoro, affaire. Un témoignage de piété quasi mystique. En l'assassinant, ces meurtriers avaient vu juste, ils ont meurtri profondément l'Amérique et l'image qu'elle se fait encore d'elle-même. Léon Klinghoffer était un citoyen exemplaire et responsable, un vieil homme qui avait travaillé toute sa vie et qui croyait, comme tout, que l'Amérique se finit toujours avec des happy ends. Mais pour lui, la victime de l'Aquile et Lahoro, c'est le sacrifice qu'il a trouvé au bout de la croisière. L'Amérique ne peut pas oublier ça. Abou Abbas, le chef présumé de l'opération, est mort le 8 mars 2004 dans une prison américaine en Irak. Il avait été arrêté une semaine après la prise de Bagdad, où il s'était réfugié lorsque l'armée américaine avait envahi et conquis l'Irak, comme un boomerang. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in. Long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. Well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry. Smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Your blood began to dry. Smell began to rise. We've got God on our side. We're just trying to survive. If what you do to survive kills the things you love, fear's a powerful flame. turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, fill it with devil's hand dust. It'll take a God-filled soul, fill it with devil's hand dust. Affaires sensibles sur France Inter aujourd'hui, L'Aquilée Lahoro en 1985 avec notre invité Bernard Ravenel. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes historien, spécialiste du conflit israélo-palestinien et que vous êtes aussi fondateur de la revue Confluence Méditerranée que j'ai entre les mains et dont on peut dire un mot parce que c'est vraiment une revue très, très intéressante. C'est une revue livre, hein. Il faut du temps pour la lire, on prend son temps, voilà, vous nous invitez à prendre notre temps pour lire des choses importantes, quelquefois difficiles à comprendre. La revue que j'ai dans les mains porte le titre de Palestine 20 ans après. Un mot de la revue, s'il vous plaît. Oui, cette revue a été lancée en 1991, après la guerre du Golfe, et elle a été lancée par deux personnalités. Une personnalité juive, qui était à l'époque président du CRIF, je suis en train de chercher son nom, mais je suis un peu fatigué là, et un Tunisien, Hamadi Hessid, qui ont décidé de créer une revue qui permet un dialogue. Mmh. Et en gros, israélo-arabe. Et donc, dans ce contexte-là, c'est développé cette revue, que j'ai pris l'initiative avec M. Chagnolo, et nous avons organisé pendant 20 ans, des dossiers tous les trimestres sur différents thèmes concernant la Méditerranée. Pas seulement, bien sûr, la Palestine, même si peut-être c'est l'aspect principal de la Méditerranée, mais c'est tous les problèmes de la Méditerranée, qu'ils soient géopolitiques, écologiques, militaires, nucléaires, économiques et sociaux. Et donc, cette revue a, en quelque sorte, prospéré, puisque maintenant, elle fonctionne très bien. Nous avons une équipe de collaborateurs de très haute qualité et elle est très lue, très demandée en quelque sorte, et je suis très content de cette réussite, si on peut dire, dans ce domaine. Et elle est maintenant, disons, lue par beaucoup d'universitaires et aussi de personnalités politiques. Et c'est un trimestriel, et on la trouve en librairie, bien sûr. Alors, la lutte du peuple palestinien a commencé par le terrorisme, ce qui est forcément une stratégie suicidaire. Mais pourquoi cette stratégie-là? C'était la seule façon pour eux de se faire entendre. Alors, d'emblée, c'est le mot terrorisme qui interroge. Bien sûr. Parce que finalement, le terrorisme, c'est le nom qui est donné par les États qui sont victimes, en quelque sorte, d'une lutte militaire menée par ceux qui s'y opposent. Parce qu'ils estiment que c'est un pays qui est occupé, qui est tyrannisé, etc. Donc, le terme lui-même pose déjà un problème. Et c'est vrai que on n'a pas fait la distinction suffisamment tôt, et les Palestiniens ne l'ont pas fait pour des raisons qui pourraient être expliquées très aisément, entre ce qui relève d'une lutte armée légitime, qui est d'ailleurs codifiée, si on peut dire, par le droit humanitaire de la guerre, et d'une lutte illégitime que sont les attentats contre les civils. Et donc, ce n'est que progressivement que les Palestiniens ont, en quelque sorte, fait cette distinction. Qui d'ailleurs se fait précisément, pratiquement au moment où on parle de l'affaire Kinghoffer. C'est dans les années 80 que les Palestiniens décident, sous pression de la société palestinienne, la société civile palestinienne de Cisjordanie, d'abandonner les attentats contre les civils. Et même quelque part en partie la lutte armée pour des raisons qui nécessiteraient d'être développées. Et donc l'affaire Kinghoffer est un peu le tournant. Mmh. Elle a commencé quelques années avant. Donc l'Aquilée Lahoro, c'est au bout. Oui, voilà. On va l'appeler comme ça. L'Aquilée Lahoro, peut-être voilà. Plus compréhensible, pour le public, oui. Qui est une histoire terrible, bien entendu. Mmh. Et c'est deux ans avant que, pour la première fois à ma connaissance, l'OLP a été amené à désavouer un attentat qui a causé une victime civile. En 1983, il y a un attentat en Israël qui cause la mort d'une petite fille israélienne de 7 ans. Au début, la direction stratégique de l'OLP admet l'attentat. C'est Abu Jihad qui était le stratège de l'ULP, mais il y a une protestation, une pétition de la majorité, de la quasi-totalité des maires palestiniens de Cisjordanie, soutenue par une série d'intellectuels très prestigieux en Palestine, le professeur Nabir Said en particulier, et à ce moment-là, cette pétition est envoyée bien sûr à la direction de l'ULP, qui remet en cause sa décision précédente, qui dit voilà, effectivement, il y a une mauvaise exécution. D'où le refus de son soutien pour cette affaire-là. Absolument. Hein, à part de ce moment-là, l'ULP a décidé de condamner tous les attentats terroristes, pas la lutte armée, je dis bien, les attentats terroristes. Et je pense que la communauté internationale, et a fortiori Israël, a pris conscience trop tard de cette décision tout à fait historique. Alors, autre décision historique, je crois me souvenir que c'est en 1988 que Yasser Arafat dit « L'idée de la destruction d'Israël, prônée par les Palestiniens, est caduque hein, », le fameux mot « caduque ». Et ça nous emmène vers les années, premières années de paix, d'efforts pour la paix. En 1989, on va écouter une archive ensemble. Là, c'est Arafat qui parle avec les Américains. Mais pendant ce temps, l'intifada est lancée. Donc on change de mode opératoire, les pierres contre les balles israéliennes. On écoute l'archive et on en parle après. Okay. Nous devons lutter pour que l'année 1989 soit celle de la paix, a déclaré Yasser Arafat dès son arrivée à son quartier général de Tunis. Pour le chef de l'OLP, la rencontre d'hier entre Américains et Palestiniens à Tunis est un pas juste dans la bonne direction. Les États-Unis sont l'une des deux superpuissances et un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Aucun règlement de paix ne pourra être trouvé sans eux. Le premier point à négocier, c'est la conférence internationale de paix. Il faut la faire très vite. Yasser Arafat a déploré la mort de 6 Palestiniens tués hier en Cisjordanie par des soldats israéliens. C'est du terrorisme d'État, a-t-il conclu. Aujourd'hui encore, dans les territoires occupés, la tension était très forte. Après la sanglante journée d'hier, au moins 20 Palestiniens blessés par les tirs de soldats israéliens. Au cours de manifestations, les commerçants ont décrété une grève de 3 jours en signe de deuil. À Jérusalem, la classe politique est encore secouée par la décision américaine de dialoguer avec l'OLP. Le Premier ministre Shamir la dénonce en la qualifiant de terrible, difficile et douloureuse. Alors, Yasser Arafat restera l'un des personnages les plus illustres de l'histoire de la Seconde Guerre, après la Seconde Guerre mondiale, de ces 70 dernières années. Pas forcément le plus fréquentable, mais illustre. Donc, il est aussi l'artisan d'une tentative de paix, évidemment. Et dans le même temps, l'intifada apparaît. Est-ce qu'il y a un rapport entre on arrête le terrorisme, mais c'est le peuple qui se soulève? Est-ce qu'on peut établir un rapport ou non? Il y a un rapport. Il faut le resituer dans son évolution. Bien sûr. On était dans les années 80, tout à fait, avec l'histoire de laquelle est l'euro. 85, 87, il y a l'intifada. Comment s'est produit ce soulèvement palestinien? Il y a un accident, voulu ou non, ça c'est encore à discuter, d'un camion conduit par Israéliens, camion militaire, qui renverse des ouvriers agricoles palestiniens à Gaza. C'est le soulèvement. Le soulèvement de la société palestinienne, Gaza, bientôt suivi aussi en Cisjordanie. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et 3 jours après, l'OLP qui est réfugié à Tunis, comme vous le savez, depuis 1982, intervention israélienne au Liban, qui a cassé l'OLP du Liban, chassé, si on peut dire, eh bien, le troisième jour de l'intifada, Abu Jihad, toujours le stratège de l'OLP, demande aux Palestiniens qui se soulèvent, il n'y aura pas d'utilisation des armes. Et ceci est très impressionnant parce que les Palestiniens ont respecté l'ordre de l'OLP. Et ils l'ont respecté pendant des années, tout en étant tués par des Palestiniens, par des Israéliens. Donc il y a là un événement, pour moi, très important, même de valeur historique, y compris par rapport à toute l'histoire du monde arabe. Et c'est ça qui a imposé à l'opinion mondiale, finalement, et à l'OLP, qui n'a pas à déclencher. C'est le mouvement sur place, c'est la société palestinienne qui a déclenché ce mouvement. Et elle a permis à Arafat, se sentant soutenu par son peuple soulevé, de proclamer en 88, précisément la date que vous citiez, l'État de Palestine. Parce qu'en fait, il était maintenant revendiqué par le peuple. Il existait en quelque sorte, en tant que peuple souverain, qu'il voulait être souverain sur ses frontières de Cisjordanie et de Gaza. L'idée qu'il n'attaquait pas le territoire israélien et n'attaquait même pas militairement les soldats israéliens qui occupaient la Palestine. Donc il faut bien voir cet aspect. Alors ça a tout de suite légitimé la lutte palestinienne aux yeux du monde entier. Parce que là, on s'aperçoit que les Palestiniens, d'une part, ce n'étaient pas forcément des terroristes éternels, et deuxièmement, ils revendiquaient seulement seulement ce qui était proposé par le droit international, le Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Cisjordanie, Gaza, évidemment, Jérusalem-Est comme capitale. Donc il y a là un tournant qui a été tellement reconnu que 130 pays à l'époque ont reconnu la Palestine déjà. Évidemment, c'était symbolique. Oui. En même temps, il acceptait de se situer sur le territoire de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Ça veut dire que, de fait, il reconnaissait le droit à l'existence d'Israël. Donc tout ça fait une situation qui amène les Américains à négocier. C'était l'ambassadeur Peltro à Tunis qui a pris contact avec l'OLP et qui a dit « bon, on va peut-être pouvoir discuter ». Donc voilà à peu près les origines. C'est pas Arafat qui a pris la décision, c'est le peuple soutenu ensuite par la direction de l'OLP à Tunis. Ça veut dire que Arafat est un politique, un vrai politique. C'était... D'abord, c'était surtout un chef de guerre, un chef de mouvement, plutôt de mouvement de libération. Après, il est devenu chef politique, bien entendu, politico-militaire. Et après, c'est qu'après qu'il est devenu chef d'État, c'était un peu plus compliqué pour lui. Il n'avait peut-être pas forcément la culture pour y arriver, mais c'était normal pour une situation tellement difficile dans laquelle il s'est trouvé. Mais effectivement, c'était un stratège politique. Quel rôle a joué l'invasion du Liban par les Israéliens en 1982 sur l'ensemble de la question israélo-palestinienne ? Eh bien, cette question, il faudrait ramener pourquoi il y a eu cette invasion. Les États-Unis, enfin le secrétaire d'État américain était venu, c'était Douglas Haig, était venu en Israël et avait dit « nous ne souhaitons pas qu'il y ait une attaque israélienne sur le Liban ». Parce que les Israéliens faisaient courir l'idée qu'il fallait se débarrasser de l'OLP au Liban, parce qu'elle menaçait par ses tirs, qui étaient d'ailleurs stoppés depuis un an, elle menaçait Israël. Et les Israéliens ont dit « d'accord, on n'attaquera pas, sauf provocation ». Eh bien, provocation, il y en a eu. La provocation était la suivante, il y a eu assassinat de l'ambassadeur israélien à Londres. Or, cet ambassadeur israélien, probablement par un groupe Abu Nidal, manipulé, parce que le groupe Abu Nidal est manipulé très probablement en partie par le Mossad dans des conditions très complexes, qu'a révélé en partie le général Peled, que j'avais entendu à cette époque-là. Et en plus, il a tué un ambassadeur israélien qui était pour le dialogue avec les Palestiniens. Donc, il a fait que double. À ce moment-là, qu'est-ce que dit la direction israélienne ? Voilà, pardon, mais Israël crée l'incident qui lui permet d'entrer en guerre. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, il entre en guerre, l'opération Paix en Galilée. Oui. Vous connaissez ce terme orwellien. Et donc, à ce moment-là, il y a une bataille terrible au Liban, où les Palestiniens ont opposé une très grande résistance, mais où, finalement, ils ont été, de fait, expulsés et envoyés en Tunisie. Donc, il y a là une situation qui fait que maintenant, il n'y a plus, pour la possibilité de l'OLP, il n'y a plus de possibilité de mener des opérations à partir de l'extérieur sur le territoire palestinien. Donc, c'est un épisode important. C'est à ce moment-là que la question de la ligne armée est un peu abandonnée. Bien, Bernard Ravenel, on va se retrouver dans quelques minutes après avoir écouté l'une des chansons, l'un des morceaux qu'on écoutait en 1985, ZZ Top, Give Me All Your Love. Retour avec vous, Bernard Ravenel, historien spécialiste de la question israélo-palestinienne. Alors, les auditeurs l'auront compris, on a raconté l'histoire de l'Aquilée Lahoro. Bon, on en a fait le tour, hein, le début, le milieu, la fin, voilà. Mais ce qui est intéressant dans l'Aquilée Lahoro, c'est ce que ça nous dit de la question israélo-palestinienne. Nous continuons sur ce terrain-là. Alors, on arrive en 1993, alors, les accords d'Oslo, camp des vides. Le monde entier y croit à ce moment-là. Peut-être que la seule fois où le monde entier a pensé que cette question allait pouvoir, question israélo-palestinienne, allait être réglée, c'était à ce moment-là. Et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, d'abord, lorsque ça se passe, d'abord c'est le produit de l'intifada qui a imposé à Israël de négocier. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Deuxièmement, c'est un peu aussi indirectement le produit de la guerre du Golfe, à partir de laquelle l'OLP s'est trouvé très affaibli. Parce que l'OLP a de fait été perçu comme soutenant Saddam Hussein, et donc était totalement isolée. Et non seulement isolée, mais elle a perdu des soutiens dans certains pays arabes, qui sont pays arabes comme le Koweït, où beaucoup de Palestiniens aisés étaient réfugiés, mais le Koweït était une source de financement considérable pour l'OLP. À ce moment-là, tous les fonds ont été coupés. Donc l'OLP est affaiblie politiquement, même dans le monde arabe, pour avoir en fait soutenu plus ou moins Saddam, et financièrement. Donc situation difficile. À ce moment-là, les États-Unis disent qu'il faut négocier. C'est le bon moment, c'est parce que l'OLP est affaiblie. Okay. Ouais. Et alors, pour l'OLP, c'était impossible de refuser, aux États-Unis, de refuser. Impossible. Donc il y a une négociation difficile, dans laquelle les États-Unis imposent leur médiation. Le problème, c'est que cette médiation aurait dû permettre, comme toute médiation qui se respecte, de rétablir un équilibre entre deux éléments jusque-là très asymétriques au point de vue de la force. C'est moins qu'on puisse dire. Moins qu'on puisse dire. Or, c'est ce qui ne s'est pas passé. Les Américains ont de fait laissé Israël dominer la négociation et imposer un peu leurs objectifs. Bien sûr, il y a eu des avancées qui étaient inévitables. Bien entendu, la reconnaissance mutuelle, par exemple. C'était très important pour que l'OLP soit reconnue. Depuis ce temps-là, l'OLP est une institution internationale, reconnue par l'ensemble du monde entier. Mais après, il y a eu une négociation très complexe, plus économique que politique d' ailleurs, qui mettait d'ailleurs l'économie palestinienne un peu sous dépendance de l'économie israélienne. Mais donc, il y a eu un accord très déséquilibré, où la sécurité d'Israël était assurée, y compris dans les territoires palestiniens, par une espèce de coopération palestino-israélienne très compliquée qui faisait qu'Israël maintenait le contrôle sur les territoires palestiniens jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui pose problème d'ailleurs à l'OLP. Et après, donc, dans l'application de ces accords, il s'est passé un événement fondamental sur lequel l'OLP, Arafat, a pleuré lui-même. C'est-à-dire que l'objet de la négociation, c'est le retrait des colonies. C'est la fin de la colonisation, puisque c'est l'objet du conflit. Or, ce qui s'est passé après l'accord d'Oslo, d'une part, il y a eu l'assassinat de Rabin, c'est quand même pas rien non plus dans cette affaire. C'est quand même pas rien. Bien sûr. Et deuxièmement, il y a eu le fait qu'Israël a continué la colonisation, et a continué l'objet du conflit. Et ça, c'est l'événement central. Et jamais, jamais, Israël n'a renoncé à continuer sa colonisation de la Palestine, malgré les demandes insistantes de certains Palestiniens qui disaient à Arafat, arrête! Jusqu'à temps qu'il arrête les colonies. Sinon, ce n'est pas la peine de négocier, on se fait avoir. Et malheureusement, c'est jusqu'à ce problème, il y a jusqu'à aujourd'hui. Avec les prolongements, l'actualité nous le rappelle. Alors, autre élément intéressant, donc l'OLP, enfin l'ensemble des Palestiniens qui luttent pour un État, la fin de la colonisation, cette idée principale. Alors il y a peut-être effectivement des inclinaisons plus ou moins marxistes ici et là, mais bon, c'est pas le principal. Ça change quand même de nature avec l'arrivée de l'islam radical. On le voit bien à Gaza, ce sont les chefs religieux qui mènent le combat. Et ça me paraît un changement important quand même de nature. Et sur quoi ça peut déboucher ce changement de nature là ? Bon, il peut déboucher, mais il n'est pas automatiquement assuré, sur un conflit religieux, la dominante religieuse de chaque côté, ce qui serait la catastrophe. C'est ce que d'ailleurs semble aussi favoriser Israël. Un livre de Charles Anderlin est très important là-dessus, mais quand même, il y a pendant l'intifada qui a été menée par l'OLP, essentiellement par le Fatah, le Front démocratique. Eh bien, c'est là que s'est installé le Hamas. Mais le Hamas a été favorisé, toutes les structures religieuses ont été favorisées par Israël, pour un peu contrebalancer. Diviser pour mieux régner, c'est ça ? C'est classique. Ouais, d'accord. Et donc, il faut bien voir aussi ses origines, origines historiques de cette constitution du Hamas en 1987-88, c'est la même époque, l'intifada. Donc il y a eu là une modification de la nature du mouvement de libération palestinien qui pouvait effectivement, qui peut aboutir à une modification de la nature du conflit. Et qui est encouragé, je pense, de l'autre côté. Mais pendant un temps, je crois aussi qu'il faut qualifier le mouvement Hamas comme un mouvement nationaliste religieux. C'est-à-dire qu'il est nationaliste et religieux. C'est-à-dire qu'il revendique aussi, en quelque sorte, la terre de Palestine. Mais évidemment, il revendique parfois la terre complète de la Palestine historique, même s'il a accepté au bout d'un temps, en particulier le grand chef, Cheikh Yassine, il a accepté ce qu'il appelle une trêve. C'est-à-dire, finalement, avec Israël, pendant 30 ans, on accepte l'État dans les conditions. Il a fini sous les bombes, lui. Il a été tué presque après avoir formulé cette formule de compromis. Ça aussi, ça pose un problème. Donc, on a eu cette évolution. Et il faut quand même un événement quand même qui aussi à noter. En l'an 2000, lorsqu'il y a une ultime négociation entre Palestiniens et Israéliens demandée par Clinton, qui dit qu'il faut négocier parce qu'on n'y arrive plus. Et à la fin de son mandat, Clinton voulait obtenir quelque chose, mais il a fait une négociation ultra rapide qui a échoué. Qui a échoué parce que les Américains n'ont pas soutenu, encore une fois, les Palestiniens dans la négociation. Une fois l'échec, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, d'une part, les Américains accusent les Palestiniens d'avoir été la cause de l'échec, que les Israéliens auraient fait une offre absolument généreuse, Barak, qui d'ailleurs lui-même a nié par la suite. Et c'est surtout... c'est que Sharon fait sa promenade sur l'esplanade des mosquées. C'est vraiment la messe... C'était le signal. Ouais. C'était le signal religieux du conflit. Et là, il faut bien qu'on... Et c'est à ce moment-là que se déclenche un deuxième intifada qui est en quelque sorte provoqué par cet événement et qui peut donner donc une nature, effectivement, comme vous le disiez, qui peut être différente du combat, même si ce n'était pas forcément le cas au départ. Alors, enfin, il nous reste une minute. Votre regard sur les événements d'aujourd'hui, en Israël, en Palestine, la mort d'Iyad Abu Ayn, ministre palestinien en charge de la colonisation, tué lors d'une manif, il aurait été frappé par des soldats israéliens. Bon, enfin, là c'est retour en arrière, enfin, tous les progrès qui avaient été faits. Eh bien, je crois que nous sommes dans une logique qui se continue, c'est-à-dire qu'Israël croit que c'est la force qui peut imposer la solution. Et pour utiliser cette force, il est prêt à utiliser, bien sûr, toutes les armes possibles et évidemment liquider toute résistance, qu'elle soit militaire, comme ils l'ont fait, ou mais qu'elle soit non violente. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, les Palestiniens, pour la majorité d'entre eux, ont choisi une résistance depuis l'intifada de 87 à 95% non violente. 95% avait dit un des théoriciens palestiniens de l'intifada, Moubarak Awad. Eh bien, ils ont choisi cette résistance, mais elle est aussi écrasée. Donc le problème, c'est que est-ce que la société internationale va imposer à Israël une paix entre les deux peuples ? Pour l'instant, c'est l'impasse. Merci Bernard Ramnel pour tous vos éclairages sur cette question si compliquée, la question israélo-palestinienne. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la prise d'otage sur l'Aquilée Lahoro, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, ce sera au tour de Pierre Goldman.